Faut perdre la foi, apprendre chaque corps et fais-moi goûter un peu de toi. Ton souffle ferme ma peau, oui je retiens ma voix. Un seul et deux de gestes, et je deviens soutenu à toi. Faut perdre la foi, apprendre chaque corps et fais-moi goûter un peu de toi. Ton souffle ferme ma peau, oui je retiens ma voix. Un seul et deux de gestes, et je deviens soutenu à toi. Thank you. Mais faut perdre la foi. Apprendre chaque corps et oui, fais-moi contenir près de toi. Ton souffle ferme ma peau. Oui, je retiens ma voix. Un seul de tes gestes et je deviens soumis à toi. Je deviens soumis à toi.